Vous écoutez Futur Simple sur CKRL 89.1 avec Valérie Levé au microphone pour vous emmener à l'époque de la ruée vers l'or. Mais pas à la ruée vers l'or qui a eu lieu dans l'ouest du Canada. Une autre ruée qui s'est déroulée en Égypte antique. Et c'est Marie-Claude John qui va nous raconter comment était extrait l'or dans ces temps jadis. Bonjour Marie-Claude. Bonjour Valérie. Oui, en effet, ce soir, je vous parlerai de l'exploitation de l'or à l'époque des Ptolémées. C'est une dynastie issue du général macédonien Ptolémée. L'histoire va nous parler autant de la dynastie ptolémaïque, que de la dynastie Lagide. Cette appellation provient d'ailleurs du nom du père de Ptolémée qui s'appelait Lagos. Donc, cette dynastie se place d'ailleurs en continuité avec celle d'Alexandre le Grand pour se situer un peu dans le temps. Donc, on est après le 3e siècle avant Jésus-Christ. Cette grande dynastie-là, qui a vu grandir Cléopâtre aussi, a largement contribué, sans conteste, au rayonnement de l'Égypte durant l'époque hellénistique en initiant une synthèse entre la culture grecque et le monde égyptien traditionnel. Mais l'un des autres éléments porteurs de cette grande culture est aussi la production de l'or, et à cette époque, elle fut entreprise dans le désert oriental. Et est-ce que la dynastie des Ptolémées fut la première à exploiter l'or? Il n'y avait pas d'or auparavant? Il y en avait un peu. On va attester une production là, dès les débuts de l'Égypte ancienne, donc quand même quelques millénaires avant. On en trouve d'ailleurs pas en Mésopotamie parce que tout simplement pas d'or, il n'y a pas de gisement dans cette région-là, un petit peu plus au nord. Mais l'utilisation de l'or va remonter encore plus loin dans l'histoire. On va retrouver certaines sépultures du sud de l'Europe qui vont contenir des pépites d'or. On se retrouve à l'époque des Cro-Magnon, là, pour mieux situer. Ah, on est plus loin quand même. On est très, très loin, mais c'était pas le même type d'or, c'est de l'or, des pépites qu'on retrouvait facilement dans les rivières. Donc, l'intérêt qu'on a que l'humain a pour l'or n'est certainement pas récent. On peut toutefois dire que les Ptolémées ont conduit la première et une très grande politique d'expédition minière. Donc, tu dis qu'on trouve de l'or à l'est de l'Égypte, mais pas plus au nord comme en Mésopotamie. Ça veut dire que la composition géologique de ces deux régions est différente. Oui, en effet, il faut beaucoup d'éléments qui vont se rassembler ensemble au bon moment pour qu'on puisse avoir une production d'or. Les gisements se forment à partir de fluides aqueux qui vont être enrichis de sel, de soufre et parfois même de CO2, qui vont circuler dans la croûte terrestre et qui vont extraire le métal des roches et des magmas pour ensuite les transporter et les déposer au fameux bon endroit et bon moment. Ça prend beaucoup de conditions. Oui, exactement. Puis il n'y en a pas beaucoup à travers le monde de l'or. On va trouver deux types de gisements qui vont être exploités à l'Antiquité, donc l'or philonien et aussi l'or qui est alluvionnaire, donc celle qu'on trouve justement en pépites dans des rivières. Dans les rivières, alors que le philonien, c'est un filon Qu'on va devoir faire vraiment une production minière. Pour les prospecteurs à la recherche d'or, le travail était facilité pour ce qui est des Égyptiens dans le désert par l'absence quasi totale de végétation, parce que justement on se retrouve dans le désert, mais aussi par la couleur blanchâtre ou blanche, littéralement, du quartz, qui lui va toujours être accompagné, ou souvent je devrais dire, de filons d'or. Et aujourd'hui, l'archéologie peine à retrouver facilement des anciens gisements quand on se promène dans des sites archéologiques égyptiens, parce qu'en Égypte, il y a eu une ruée vers l'or quand même assez récente. Suite à la révolution égyptienne de 2011, on a eu vraiment, les portes du désert ont été ouvertes, si on veut, et il y a beaucoup de chercheurs d'or qui se sont mis à voyager là, dans le désert à la recherche d'anciennes et de nouvelles mines d'or. D'abord, c'est sûr que ça a été limité à une activité artisanale qui fait pas trop de tort à des sites archéologiques, mais des travaux ont été plus substantiels, se sont intensifiés là, depuis 2011. Et ça a causé vraiment beaucoup de dégâts sur des sites archéologiques. D'ailleurs, le site de Baramia, qui datait du Nouvel Empire, a été complètement détruit à cause de cette quête-là. Mais heureusement, il y a des archéologues qui ont travaillé dans le passé, entre autres deux archéologues allemands qui ont fait un énorme travail de prospection qui ont commencé dans les années 80 et ont noté, enregistré près de 250 sites d'exploitation minière de l'époque. Comme le site de Samut que je vais parler aujourd'hui qui est situé entre Louxor et Aswan du côté du désert oriental. Et à cet endroit-là, la production et celle qu'on connaît aussi ailleurs, là, c'est vraiment un excellent site pour connaître les spécificités de la production minière de l'or. Donc, c'est une production qui est sur Filon. Mm-hmm. Toutefois, on ne peut pas confirmer l'absence entière d'une exploitation de l'or alluvionnaire non plus, parce qu'il y a quand même le Nil qui est tout près. Ouais. Bon, ça laisse moins de traces, donc on n'est pas certain de ce qui a été fait ou de ce qui n'a pas été fait. Sur le site, on remarque que les travaux ont engendré une grande construction d'installations qui est assez imposante, qui a nécessité beaucoup d'argent, beaucoup de moyens, mais aussi l'embauche de beaucoup de main d'œuvre pour pouvoir travailler sur la production de l'or. Et il va de soi que c'est un genre de travail qui était organisé, qui était dirigé de manière plus encadrée que ce qu'on pouvait retrouver dans des périodes précédentes. Ce site avait une ampleur que les autres plus anciens n'avaient pas, donc. Donc, justement, qu'est-ce qu'on sait d'autres de la production de l'or à cette époque? Et comment on sait, on a des informations? Ultimement, c'est le travail de l'historien qui vient compléter le travail de l'archéologue. C'est l'existence de textes qui va permettre... Donc, des textes de l'époque en hiéroglyphes? En hiéroglyphes, des fois, à une certaine époque, surtout à Samut, on va trouver des textes qui vont être écrits en grec ancien aussi. Ah oui. Donc, il y a certains, il y a des hiéroglyphes, il y a du grec, des fois même, ça peut être du latin aussi, éventuellement, tout dépendant de la période où les textes ont été écrits. Et ça l'aide, veut pas, de la compréhension d'éléments qu'on n'est pas trop certain en archéologie. Mais je trouve toujours fascinant quand on entend qu'il y a des textes de cette époque si ancienne qui ont resté, qui sont encore aujourd'hui, puis qu'on est capable de lire. Mais souvent on parle d'ouvrages qui ne sont pas des originaux. Oui. C'est des copies de copies. Oui. Ouais. Et là, éventuellement, on va se retrouver avec une copie qui est manuscrite, qui peut être peut-être en français, en grec, plus récent, mais ça l'a voyagé à travers le temps. Ouais. Et ce qui va faire l'originalité des mines d'or en Égypte à cette époque-là, c'est justement un texte qui va décrire de manière assez précise l'exploitation et la chaîne opératoire, qui est la succession d'étapes qui va mener du minerai d'or à l'étape du métal. Et ce texte-là, qui est écrit par Agatharchide, qui est un géographe grec du 2e siècle avant Jésus-Christ, donc à peu près une centaine d'années après les Ptolémées, qui aurait voyagé à travers l'Égypte, un peu partout vers l'an 170 avant Jésus-Christ, a décrit en 4 étapes ce qui menait les anciens mineurs du minerai brut à l'or qui était en lingots. On retrouve donc l'extraction du quartz, qui va être suivi d'un broyage et d'un concassage du minerai qui est extrait des filons. Après, c'est moudre les grains de quartz qui devient un peu comme une farine à l'état de poussière. Et on va ensuite laver les minerais qui est en poudre pour extraire les particules plus lourdes, donc les particules d'or. Ah. Agatharchide va révéler beaucoup d'informations complémentaires à cette chaîne opératoire-là. Il indique qu'au préalable à l'extraction du quartz, avant donc de commencer le travail pour les mineurs, on va brûler le terrain de manière à ramollir la roche pour la rendre plus tendre, donc plus facile plus friable peut-être. Exactement, plus facile à la briser. Quoique cette technique d'abattage par le feu soit bel et bien pratiquée en Occident, il n'y a aucune trace de l'emploi du feu à Samut. Ah. Elle n'est d'ailleurs attestée nulle part ailleurs dans le désert oriental. Il n'y a pas beaucoup de bois par là. Exactement. C'est sûr qu'on n'est peut-être pas dans la meilleure partie de l'Égypte pour faire un abattage de feu, parce qu'il faut bien du bois. Il y avait peut-être du bois à cette époque-là, par contre. Il y en avait peut-être, mais le bois est tellement un produit, une matière qui est importante qu'on ne va pas la mettre au feu. On va l'utiliser d'une autre manière avant d'y mettre le feu. Mais il y a aussi que la roche, elle est naturellement friable dans cette région-là, donc ça ne serait pas nécessaire plus d'utiliser le feu. Donc ces deux éléments-là nous amènent à s'interroger sur le bien fondé de cette description du géographe. Ben oui. Et on est toujours à la merci avec des textes qui proviennent de périodes reculées aussi, là, de la véracité de ce qui a été dit. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'on doit mettre en doute cette phase-là et donc les autres, le reste de ces écrits? On est à la limite de ce que peut nous prouver ou nous attester des textes qui proviennent. D'où l'importance de corroborer ça avec des observations sur le terrain. Si on avait retrouvé, je sais pas, des cendres ou quelque chose. Exactement, ça aurait été une belle preuve de l'abattage par le feu. Donc, qu'est-ce qu'on apprend d'autre dans ce texte? On y parle bien sûr des conditions difficiles, qui n'est pas très surprenant, on s'attend à ça. C'est un travail qui est sans relâche durant toute la journée, on est exposé au coup d'un surveillant qui est cruel. Mm-hmm. On lit que les mineurs vont travailler continuellement dans l'obscurité, quand on parle lorsqu'ils sont à l'intérieur des galeries, sous terre, et qui vont porter au front des lanternes qui sont fabriquées à cet effet. Les découvertes d'ailleurs faites sur le site archéologique de Samut illustrent quand même assez bien cette dernière information, parce qu'on a retrouvé des lampes à vernis noir qui ont été trouvées sur le site. Elles sont composées d'ailleurs d'un réservoir assez profond, ce qui permet aux mineurs de rester très longtemps dans la noirceur. J'imagine que c'est des lampes à huile. Oui, exactement. On va souvent trouver ces lampes-là qui vont porter des petites lettres sur probablement qu'ils étaient des propriétés certains mineurs. Aussi, dans les premiers mètres des galeries souterraines, on observe des niches qui sont creusées dans le rocher qui permettaient d'ailleurs de mettre la lampe en question pour avoir un peu plus de luminosité, pour pas toujours l'avoir sur soi. Et sur le site archéologique de Samut, on retrouve aussi des gros rochers qui portent des traces d'usure qui sont liées à l'exage des outils. L'auteur de ce texte, Agathe Archide, mentionne aussi, naturellement, encore une fois, que le travail est fait par des hommes qui sont jeunes et qui sont forts. On ne s'attend à rien de moins, là, d'ailleurs, pour les deux premières étapes de l'exploitation de l'or. C'est un travail physique. Exactement. Ça nécessite de la force. Ce qui m'amène à parler de la troisième étape, de la mouture des grains de quartz. Mais donc là, tu sembles insinuer que des femmes seraient peut-être employées à cette étape? Oui, exactement, parce que là, on souligne l'apport masculin des deux premières, mais exactement, ce maillon de la chaîne opératoire-là est en effet réalisé par des femmes, mais aussi quand même par des hommes. Mm-hmm. On y lit, ouvrez les guillemets, « Il passe la pierre ainsi réduite aux femmes, ainsi qu'aux hommes les plus âgés, qui la mettent sur des meules alignées en grand nombre et qui se plaçant à deux et à trois à la barre, moule jusqu'à ce qu'ils aient réduit la quantité donnée à la finesse de la farine. » Fermer les guillemets. Donc, on comprend donc que ce travail nécessite beaucoup de monde. À Samut, on va retrouver à peu près une dizaine de meules qui ont été mises au jour, mais sur un deuxième site qui s'appelle Beer Samut, on va en compter presque 600. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment un gros travail qui s'est fait là-bas, sauf qu'on les a retrouvées toutes en réemploi dans le mur d'un fort. Donc, ça faisait quand même pour bouger les tours. Il y a eu du recyclage. Exactement. Mais le passage... que je viens de lire, parle quand même d'être plusieurs à une barre, ce qui n'est pas vraiment le travail d'une meule à proprement parler, mais peut-être plutôt d'un travail de moulin. Donc, on veut être plusieurs à pousser sur une barre. Et lorsqu'on regarde à Samut, on peut d'ailleurs apercevoir des structures beaucoup plus imposantes, qui sont des constructions circulaires, qui ont initialement été interprétées comme étant des laveries, mais les fouilles ont confirmé que c'était plutôt des grands moulins. Ah oui. Justement. Mmh. Et pour conclure, les fouilles menées à Samut ont apporté son lot de nouvelles connaissances, bien sûr, sur les mines et les exploitations d'or à l'époque des Ptolémées, mais comme toujours, d'autres analyses devront être faites pour continuer à en découvrir davantage sur les exploitations. Mm-hmm. On parle de la diffusion et de la circulation après de cet or-là à travers l'Égypte et à travers l'Empire. Oui, mais c'est quand même fascinant à travers ces documents-là, ces fouilles-là, de se projeter, d'imaginer ce que pouvait être ce travail d'exploitation minière, là, puis toujours la vie des gens jadis. C'est presque aussi fascinant, même autant fascinant que ce qui se passe à l'intérieur de l'atome. Oui. Oh, oui, définitivement. Oui. Alors, merci beaucoup, Marie-Claude. On va passer en pause musicale sur CKRL 89.1 et nous finirons avec une petite revue de l'actualité scientifique de l'Université Laval.